15h10 sur le 95FM www.rqc.be. L'émission Rock the Nations vient de débuter en compagnie de Bruno. Bien le bonjour à vous tous qui nous écoutez en ce dimanche après-midi de décembre. Les fêtes approchent, mais la musique reste là et on est là jusqu'à 17h. Alors, on a commencé l'émission avec un énorme classique, Rage Against the Machine, leur premier album éponyme paru en 1992. Le morceau d'ouverture que tout le monde connaît, Bomb Track, et ben, un album multiplatine, comme j'aime le dire à chaque fois. Quand il s'agit d'un grand succès, mais quand ça touche notre musique, c'est vraiment c'est très important en fait. C'est bien, ça fait vivre notre musique. Et à l'instant, Suicidal Tendencies, la même année, en 1992, l'album de la maturité, The Art of Rebellion, et le morceau Nobody Hears. On reste dans les années 90. Un an plus tôt, sortait le deuxième et énorme album de Skid Row, appelé Slave to the Grind, et on va s'écouter le morceau Psycholove. À savoir que Max des Scratch Bulb, qu'on ne présente plus, est présent dans les studios. Il nous parlera dans quelques minutes, bien sûr, de son groupe, mais de ses autres activités, car c'est un gros bosseur. Et il fait beaucoup pour la musique métal dans les Hauts-de-France et également dans notre pays, la Belgique. Mais tout d'abord, Skid Row, l'album Slave to the Grind et le morceau Psycholove. Yeah. you've seen sometimes of all these dead soldiers. Tell me, does it wake you up or are you a good sleeper? You have sounds out to the death just to prove your power. You're an altar holy man, you are just a murderer. You have come to grip my voice. Born From Lies sur le 95FM, un album que vous commencez à bien connaître, The Promised Land, paru cette année sur le label Brinus Records, et c'était le morceau Live Without Face, Born From Lies. Allez, on part dans nos vinyles avec le premier album de Rat, Out of the Cellar, paru au printemps 1984, et on s'écoute le morceau The Morning After. Think of kindly. Europe est leur premier album éponyme en 1983, tout simplement donc intitulé Europe, et le morceau d'ouverture In the Future to Come, sorti à l'époque en 1983 sur un label suédois appelé Jet Records. Voilà, et depuis réédité bien sûr, nombreux exemplaires sur le label Epic. On part avec la New Wave of British Heavy Metal, Samson en 1984, l'album Don't Get Mad, Get Even, et le morceau qui clôture ce disque, Leaving Love Behind, Samson. You're listening, Rap Nation. Leave it. Ils sont quatre, ils nous viennent de France. Tentation, premier mini LP, 6 titres parus sur le label Inferno Records. 5 titres originaux et une reprise de H-Bomb, double bang, qu'on retrouve sur le premier et unique album du groupe Attack. Et c'était le morceau L'épreuve du sang. Voilà pour Tentation. On reste dans le heavy speed le plus pur et on part en 1984, direction la Californie avec Savage Grace, leur premier album Master of Disguise, assurément un chef-d'œuvre du genre, et on s'écoute le morceau Sins of the Damned. Yeah! Spirit of man can't be free. When Death Calls, Black Sabbath en 1989, l'album Headless Cross avec bien sûr Tony Martin au chant, mais également Tony Iommi, bien sûr indéboulonnable Tony Iommi à la guitare et Cozy Powell à la batterie. Et ben voilà, cet album sorti sur le label de Miles Copeland, le frère de Stuart Copeland, le batteur de Police, IRS Metal Records. On part dans la double dose et celle-ci cette semaine est consacrée à Celtic Frost. We'll be right back. 15h58 sur le www.rqc.be, sur le 95FM, c'est l'émission Rock the Nations. On est ensemble jusque 17h avec à l'instant la double dose consacrée cette semaine à Celtic Frost avec un extrait d'un de leurs tout meilleurs albums, Into the Pandemonium, pour commencer la reprise de Wall of Voodoo, Mexican Radio, fantastique vraiment. Et à l'instant, un énorme classique repris par Obituary par exemple, mais également par les nordistes de Lud Blast à une certaine époque. C'était bien sûr Cycle of the Tyrants, extrait de l'album To Megatherion. Voilà pour la double dose consacrée à Celtic Frost. Je ne suis pas seul, je vous l'avais annoncé, hein, Max des Scratch Bulb est dans les studios. Bonsoir, bonjour, pardon Max. Salut Bruno. Comment vas-tu ? Bah écoute, plutôt pas mal en ce dimanche resplendissant, on va dire. Bah ouais, il fait bon, ça ouais, va. Ouais. Hein. Et merci de m'accueillir en tout cas dans les studios ici à RQC. Bah c'est avec plaisir. Bon vivre. Bah d'autant plus qu'au mois d'avril dernier, c'était tes acolytes musiciens de Scratch Bulb qui étaient invités et tu étais le seul absent. Donc voilà, oui. la boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Justement, on va en parler un petit peu après. Bah bien sûr, là on part avec le dernier album en date de Voivode. Yes. Et tu disais qu'il y avait un nouvel album en prévision. Ouais, bah apparemment qu'il est déjà dans la boîte, hein. J'ai déjà écouté un nouveau titre. D'accord. Mais voilà, qui est en plein dans la lignée de Target Earth, justement. Qui est un bon cru. Plein dedans. Ah, qui est un bon cru. Excellent cet album. Et donc, extrait de cet album, paru en 2013 sur le label Century Media, on s'écoute le morceau Kullscap Occam. Merci Bruno. Et je t'en prie, et puis à tout de suite. Carrément. Oh! Yes, les Scratch Bulb avec un extrait de leur premier EP. J'ai longtemps appelé cet EP Scratch Bulb, et en fait, je me trompe totalement, n'est-ce pas, Max? Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que c'est pas noté, c'est noté que sur le CD. Ouais. Oui, et ça, je peste. Parce que voilà, maintenant, je vais sortir le CD, je vais avoir les quatre les quatre mots dans l'ordre, mais j'ai jamais l'ordre exact, donc je te laisse appeler ce EP comme il se doit. This is hate, death and sin. La maladie, la haine, la mort et le péché. Voilà. Ouais, c'est comme ça qu'on a. C'est là-dessus qu'on a formé le groupe, en fait. Il y a 2 ans. Ouais, le groupe a 2 ans. Ouais, exactement, quoi. En fait, on avait 3 mois d'existence, on balbutiait un petit peu au niveau du line-up, avec King Size, notre copain guitariste, enfin mon ami, mon petit frère, guitariste, l'idée déjà germait depuis un petit bout de temps. De fait, Cumshot arrêté. Cumshot, c'était un groupe de gore grind. C'était un groupe de gore grind boulonnais à l'origine, et après qui était lillois. Ils sont plus partis, même limite, pour être dans le doom psychédélique. Ils cherchaient, enfin, je sais pas. Ils ont splitté. Du coup, on a rappelé Lord Scrotum, qui jouait dedans, qui faisait gratte chant. On l'a pris la basse dans Scratch Bulb. Et après, on a rappelé aussi un vieux pote, Juani, la batterie. Et on a enregistré ça au Frénois, donc c'était début 2015. On a eu des petits soucis au niveau du mixage et blablabla et blablabla. Et on a sorti notre EP, c'était La Guerre Sans Sauveur avec Merciless, Otargos et The Lumberjack Feedback. C'était le 4 mars 2016, donc de cette année. Donc depuis, les concerts se sont enchaînés. Ouais, on a fait pas mal. Vous avez eu notamment l'occasion d'ouvrir le festival, le Blue Lightning Metal Fest, avec Agresseur en tête d'affiche. Exact, ouais. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que les Scratch Bulb étaient venus aux trois quarts, sans toi malheureusement. Oui. Mais voilà, on répare l'erreur et c'est génial, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir, en tout cas, Bruno, de venir ici dans les studios d'RQC, parler de notre bébé, Scratch Bulb. On a, d'actualité, prochaine, on va dire, pour l'année prochaine, on joue à un festival avec les Psychochondriacs, Radical Suckers, entre autres, on est 4 groupes, et on joue, c'est au Grand Frailly. Dans la Vénois, vous retrouvez toutes les infos sur la page Facebook également de votre groupe. Voilà, et également sur les réseaux sociaux, on a une page Bandcamp aussi. Et un petit peu d'actualité, c'est qu'on on tourne avec un set qui se garnit quand même au fur et à mesure du temps. On perd pas de temps justement pour composer, proposer du frais, étant donné, comme j'ai dit, notre EP, on avait 3 mois d'existence quand on l'a enregistré. On a eu la chance de, un bon concours de circonstances, on va dire, quoi. Mais on a déjà le nom de l'album, notre premier album, ce sera To Feed What Is Below. On va l'enregistrer avec Phil, qui a fait notamment Merciless, les Noise Emission Control aussi dernièrement. Phil Reinalter, qui est le gratteur de Tridophal aussi, qui a fait l'enregistrement aussi depuis Tridophal, forcément. Qui joue au Wellfest. Ça vous garantit un gros son. Ouais, il est venu nous voir jouer la semaine dernière, d'ailleurs au Diablo. On a joué avec Ozymwund. C'est vrai qu'on a partagé l'affiche avec des groupes quand même de bonne trempe. Qui vous correspond. Top Phone. Qui vous correspond dans la même veine musicale. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, sur lesquels on arrive à se retrouver sur certains points, quoi. C'est vrai que j'ai ramené que 2 groupes qui font partie de nos influences majeures, on va dire premières, mais c'est vrai qu'on a dit on prend nos 20 groupes préférés, on les passe au mixeur, on les recrash. Ouais, je radote, tu sais que je le dis souvent. Absolument pas, mais je me disais je bois tes paroles, en fait, j'ai même pas besoin de poser des questions parce que ça s'enchaîne et puis c'est cohérent, donc ce qui est bien, c'est que ce premier album va arriver et puis que les concerts vont s'enchaîner, quoi. Tout à fait, c'est exactement le plan, Bruno, quoi. C'est exactement ce qu'on a prévu de faire avec les Jean-Pierre Père Lord, Jean-Pierre Père King et Jean-Pierre Père Youth. Mais voilà. Ce qui est bien, c'est que vous êtes une bande de potes et puis ça se voit, vous vous entendez bien. Ouais, voilà. Mais on bosse. C'est un vrai groupe. On bosse dur, hein. T'as déjà eu l'occasion, hein. Oui, tout à fait. Tu es venu nous voir répéter dernièrement, quoi. Ouais, tu vois qu'on. Voilà. Vous prenez ça, vous faites ça sérieusement, c'est bien. Voilà, c'est notre passion et voilà. On n'a pas d'autre ambition que venir répandre la maladie, la haine, la mort et le péché. Alors, on part avec une de vos grosses influences, Carnivore, n'est-ce pas? Mort. Ah ouais. Donc, tu vraiment, nous proposes un extrait de leur premier album auto-intitulé. Voilà, de 1985. Tout à fait. Et ouais. Et donc le morceau titre, Carnivore, fan de Peter Steele ou... Écoute, franchement, hein, moi j'ai vraiment une préférence pour Carnivore par rapport à Typo, quoi. D'accord. Après, là c'était une époque où justement Peter Steele écrivait des morceaux, il a écrit des morceaux pour Sick of It All, pour Next Tee Front, pour Madball et tout. Enfin, il a quand même été influent aussi, pour Biohazard aussi, il a été quand même influent dans la scène new-yorkaise hardcore, quoi. Non, mais faut... Mais même avec les pionniers aussi du style, hein, je pense qu'il existe une vidéo des Cro-Mags, enregistré aussi BGB à l'époque de Age of Quarrel vers 86-87. Okay, bah. Et on voit clairement Peter Steele dans le public. Il a écrit, tu vois, comme je t'ai dit, il a écrit des morceaux, tu vois, à cette époque-là, quoi. Après, Typo Négative, moi, mon préféré, ça reste le premier, quoi, quand même. The Origin of Faces. Ouais, c'est un des morceaux, ça. Slow, Deep and Hard. Ouais, Slow, Deep and Hard. Ouais. D'accord. Ouais, c'est mon préféré de Typo, quoi. C'est pas un album live, The Origin of Faces? Peut-être. Un faux album live enregistré en studio sans public, en fait. D'accord, ouais, c'est possible. D'accord. Bon, je regarderai. Le tout premier, c'est tout Slow, Deep and Hard. Et c'était des chutes, justement, de Carnivore. Enfin, tu vois, des trucs qui n'avaient pas été utilisés dans Carnivore et qui ont fini dans Typo Négative. Ouais. Carnivore, leurs deux albums, celui-là et Retaliation, pour moi, c'est des albums de chevet. Je m'en lasse pas, quoi. Voilà, eh bien, donc écoutez, on va découvrir un extrait de ce premier album auto-intitulé. En tout cas, dans Scratch Bulb, on est tous des tarés de Carnivore, quoi. Eh bon, on va écouter ça. Allez, c'est parti. We Il est 15h06 sur le 95 FM. Non, pardon, je dis des bêtises. 16h24. Ça va vraiment trop vite. Tout va bien, Max ? Ouais, super. On est bien, Tata. Après, ce qu'on vient d'écouter, voilà, du Carnivore. Avec le morceau Carnivore. Et là, à l'instant, c'était Acid Bass de la New Orleans. Ouais, New Orleans, voilà, des années 90. Les années 90. 1994. Et Rotten Records, le label de DRI. Ouais, voilà, exactement. Excellent. Exactement. Ah bah tu vois. Voilà, et ce groupe-là, c'est devenu God War par la suite. Avec Samy, l'ex Crowbar. Samy. Acid Bass aussi, et ex. Il a dépanné Crowbar, ouais. Ouais, sur la tournée Odd Fellows Rest, je pense. Ouais, en 1999, crois, ouais. j'avais eu l'occasion de les voir et c'était lui à la guitare. D'accord. Ouais, il avait dépanné Crowbar. D'accord. Il avait enregistré l'album. Pareil pour le batteur aussi, qui est un sacré nerveux, un sacré bon, qui en met partout. Enfin, en tout cas, ouais, je vous invite à redécouvrir Acid Bath, pour nous qui est, comme je te disais, aux antennes, un petit peu du Life of Agony en bien plus crade. Il y a eu les gars de Soylent Green aussi, De toute façon, la New Orleans, c'est un vivier de groupes, de musiciens, c'est un peu pareil dans le nord mais de la celui-là, France. Celui-là, Acid Bath, t'es vraiment à part, je trouve, tu sais, par rapport aux trucs, on va dire sludge, tu sais, les trucs comme Yet God ou, Crowbar et tout ça. Bien sûr. Eux, ils étaient un peu plus nerveux, on va dire, tu sais, plus dans la veine Soylent Green, tous ces trucs-là, quoi, tu vois, plus... plus rentre dedans. Il y a du blast, et en même temps il y a du chant clair, enfin tu vois, il y a un petit peu de tout. Et... Ouais, c'était assez novateur pour l'époque. Donc voilà, c'était le morceau Toubadou Koumi, donc une grosse influence pour les Scrats du Pulp. Hein. Ouais, carrément. Après, on pourra en citer pas mal hein, d'autres groupes, hein, tu vois, des trucs comme Iron Fire, Entombed, tout ça, enfin voilà quoi. Des trucs un peu plus conventionnels quoi. Ouais, bon, je sais pas, à voir, hein, ça dépend. Hein. Est-ce que Entombed est conventionnel ? Est-ce que Entombed... Ouais, c'est quand même plus catchy, oui. Ah, je sais pas trop, hein, tu vois. C'est aussi conventionnel qu'un Carnivore. L'essentiel, c'est qu'on ait qu'on se retrouve, qu'on ait des groupes en commun aussi. C'est une discussion entre passionnés. Ouais. Si vous dites Max, sacré voix, c'est un homme de radio également, Max. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Alors, c'est tu peux nous présenter un peu ton émission du mercredi hein. Tout à fait. On t'avait invité à faire une petite sélection. Exorder, Les Spawn Monsters, voilà. Ah ouais, excellent d'ailleurs. Très bon choix, hein, Bruno. C'est normal, c'est des bons disques. C'est vrai, on fait l'émission Griffiteur depuis 6 ans, hein, c'est sur Radio Boomerang 89.7 FM. Vous pouvez même l'écouter en Belgique. Hein, le réseau est. Auditeur belge. Oui, tout à fait, ouais, l'antenne est importante. Hein. Ouais, j'étais à Mons et des personnes m'ont dit oh, tiens, on t'a entendu, toi, on écoute ta radio. Franchement, ça fait plaisir. Donc c'est l'émission du son distordu tous les mercredis de 19h à 20h30 en direct hein, sur Radio Boomerang à Roubaix. N'hésitez pas à envoyer un mail sur refitter59@gmail.com si vous voulez diffuser et venir aussi. Bruno est déjà vu. Ça fait plaisir en tout cas de venir à RQC, c'était mon petit bébé. Et après, par la suite, il y a aussi, la pratique musicale et tout le bordel. Mm. Donc forcément, des fois, on organise des concerts aussi. Et du coup, on a fait une asso, qui est dissociée de la radio, qui s'appelle Refitter Asso. Peut-être on en parlera juste après du concert de 7 la semaine prochaine. On va parler de tout ça, on va passer un peu de musique. Tu nous as ramené un groupe italien qui s'appelle Rabbit Dogs. Ouais, grosse influence aussi pour les Scratch Bulbs, des gars, des Italiens. Franchement, qui se la donne sur scène, ça envoie quoi. Découvert à l'Obscene Extreme Festival en République Tchèque, qui est la mecque de la musique extrême. Si on commence à parler des festivals, alors là, on en a jusqu'à 18h. Donc 18h. On, voilà, On parlait aussi de Refitter et aussi des orgas de concert et puis surtout et avant tout de Scratch Bulb, Bruno. Mais tout à fait, mais on va revenir quand même sur votre assos en partenariat avec le bar El Diablo sur l'île. Ouais. Mais tout d'abord, on repart en musique parce que la musique c'est l'essence même de Rock the Nation. Quand même. Le promo 2015 du groupe italien Rabbit Dogs et on s'écoute le morceau The Puppeteer. Sa commissario. Gli uomini come me sono un po' come quegli artisti che sanno creare il capolavoro mettendo insieme materiali diversi. La creta con i diamanti, l'oro con il rame, la pietra grigia con i colori della tavolozza. Lo capisce, io mi occupo solamente di assemblare la grande finanza, la grande criminalità, il potere politico, tutto insieme. Questo è il potere. Finito davvero. Oh, 16h36 minutes sur le www.rqc.be et le 95FM. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Rock the Nations jusqu'à 17h. La page Facebook de l'émission, l'intitulée Rock the Nations, tout simplement. N'hésitez pas également à faire un tour, si vous le souhaitez, sur mon profil perso, Bruno Iron Alford, avec le I et le H en majuscule, s'il vous plaît. Et en un seul mot, à l'instant, alors là, tu nous as sorti une de ces pépites de la mort, là. Corruption! Ça, ça fait du bien aussi, quoi. Corruption en 1995, une compile double CD intitulée Brutale Génération qui a marqué une génération entière de métalleux français. Hein, faut dire ce qui est, hein. qui ont encore justement leur marque, hein, y compris chez nous, la génération d'après. Mmh. On va dire, enfin, moi c'était dedans, j'écoutais déjà du métal à l'époque. Ouais, moi aussi, bah oui, totalement. Hein, mais bon, là, il y avait la crème du métal français, plus des groupes un peu plus obscurs. Corruption faisait partie de cette vague-là, puisque finalement, c'était vraiment un groupe local, quoi. Mais cette compilation les a quand même amenés à un niveau supérieur. Ouais. Et franchement, ça sonne toujours bien, 20 ans après, plus de 20 ans après. Ouais, ça a bien vieilli. Ouais, carrément, ouais, c'est vraiment... Et comme j'avais pas le CD, malheureusement, j'avais l'habitude de connaître ce morceau quand je l'entendais dans sa version live. Et franchement, c'est toujours aussi bon, quoi. Guilty, bien sûr, c'était un des hits de cette compile double CD. Y avait aussi Agressor, hein, bien sûr. Il y avait Load Blast, Massacre, Merciless, Misanthrope, No Return. Enfin voilà, il y avait Respect aussi. Et puis après d'autres groupes, hein, comme je disais, plus obscurs, comme Totem Phase, The Missing Links ou Kill the Thrill. Voilà. Ouais, voilà, hein, c'est vrai. X Syndicate, tout ce genre de exactement. Choses. Bonne pioche, là, bonne pioche, vraiment. Merci, James. Limite, c'est pas à toi. Ah, c'est James qui nous l'a donné. Il te l'a donné. Ouais. Donc, si c'est à toi, tu peux me le prêter, quoi. Ah, ouais, mais c'est bien tout juste des travaux. D'accord. Mais je te prêterai bientôt, t'en fais pas besoin. Voilà. Donc, on continue l'interview, et puis tu nous parlais bien sûr de la sauce, c'est la sauce Refitter. Ouais, voilà, ouais, on avait, je fais un petit rappel. Enfin, au début, c'était émission de radio purement, et après, on a eu la possibilité d'organiser des concerts, donc on a fait quelques-uns officieusement, on va dire, dans des endroits comme la Chimère, l'Argresse. C'était un petit peu sous le manteau. Du coup, on a décidé de statuer ça, de faire une association. En Belgique, c'est une ASBL. Chez nous, c'est une association loi 1901. Voilà. Et du coup, on a monté ça. Là, c'est plus Doug qui chapeaute ça. Hein, c'est notre président, de l'asso. Pour ce qui est de l'orga de concert. Donc, on a quand même fait jouer plus d'une centaine de groupes en 2 ans de temps. Et non des moindres. Hein, je pense à des groupes comme, Spirit Caravan, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Y en a plein, hein. On a fait des groupes comme Ozingbund, Department of Correction. Propane aussi, c'était vous, Propane? Propane, c'était pas nous, non. D'accord. Non. Propane, c'était pas nous. Mais oui, du coup, on a collaboré beaucoup avec le Biplan, on collabore toujours beaucoup avec le Diablo, le DIY Café aussi, donc c'est tous des cafés-concerts lillois. Hein. Ouais, voilà, un café-concert lillois, généralement, toujours on essaye de gérer au niveau des tarifs pour que tout le monde s'y retrouve, quoi, on va dire. Autant les groupes que l'asso et bien entendu et avant tout le public. Venez, sortez de chez vous et allez voir des concerts. Donc en l'occurrence, semaine prochaine c'est MLB Stormer, donc groupe de black belge, black metal. Hein. Oui, c'est une date black metal. 7. Les Bordelais. Les vétérans bordelais, hein, quand même, ça va faire quasiment une vingtaine d'années que ça joue. C'est parfaitement ça, ouais, ils avaient été signés sur Osmose déjà. Et ouais. Puis là, depuis, ils sont sur Season of Mist. On aura l'occasion d'entendre un extrait de leur dernier album paru il y a 3 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2014. 2 ans. Là, il est marqué 2013. Hein. Ah, bon, d'accord. En chiffres romains, donc The Howling Spirit. Mais. Est-ce que tu as autre chose à rajouter concernant ton assos? Bah écoute, oui, si, il y aura aussi les débuts scéniques du groupe Mortier, voilà, vendredi. Le tout pour la modique somme de 10 euros. Donc avec 7 trouver... et le groupe de Black Belge. Et Mortier. D'accord. Voilà. Mais oui, sinon pour l'assaut, ben, sur 2017, pour l'instant, on ramènera les Norvégiens de Occultocratie, en principe au bar live, à Roubaix, hein, c'est au 301. Bar Elef 301, c'est derrière, derrière Géant, à Roubaix, donc en plein centre. Ouais, donc c'est cool. Oui, je sais, on fait pas de pub. Non, pas de pub. Ouais, c'est pas grave. Et après, on ramènera Spasm et Gutalax. Là, c'est plus du gore grind, on va dire. C'est un programme. Et dansant. Oh, ouais, ouais, voilà. Bah, je pense que j'aurai l'occasion de te donner du son et puis d'en diffuser. Et sinon, pour les informations sur Scratch Bulb, voilà, on va sortir un album qui s'appelle To Feed What Is Below, qu'on va enregistrer au Psychron Studio. Avec Phil Reinalter, donc qu'on embrasse bien fort. On embrasse King Size, Lord Scrotum, le père Youse, hein, Joanny, et moi Max, présentement. Tes partenaires de crime. Voilà, partenaires du crime, pour répandre la maladie, la haine, la mort, le péché. Non mais voilà. Vous savez, vous allez entendre parler de nous encore, sauf que là, ah, on fait surtout, un petit certainement sur dans Rock the Nations. Ouais, ah bah yes. Oui, bah attends, et ça fait quoi, depuis avril je passe régulièrement le EP, moi j'ai qu'une hâte, c'est que vous ayez un nouveau produit, hein. D'ailleurs j'en avais parlé à ton bassiste, je ne retiens jamais son nom, il a un nom à dormir, ouais, Lord. Lordo, ouais. Donc ouais, bah, moi dès qu'il y a du nouveau matériel, il n'y a pas de souci, j'en passe et j'en passerai régulièrement. Eh ben, franchement, avec grand plaisir, Bruno, quoi. En tout cas, ça fait super plaisir. Plaisir partagé. De m'avoir reçu dans les studios d'RQC, quoi. Ça fait plaisir. Vraiment. Eh ben, c'est cool. On continue en musique avec Death yes. Control. Qu'on embrasse bien fort aussi. Des vétérans également de la scène lilloise, hein. Bon, bah, Steve, et puis. Chris. Et Chris, voilà. Et ouais, donc, ouais. Death Control, dont on a également eu l'occasion d'écouter des extraits de ce EP 4 titres. Paru sur le label Great Dane, bah ça fait, c'est bien, en plus on passe Great Dane, le label de Ralph. Ils sortent leur album aussi, hein. Ouais. Justement, petite précision, leur album va sortir incessamment sous peu, là, fin début 2017. Donc là, c'est leur premier EP qu'ils avaient autoproduit, hein, qu'ils avaient fait. Mm-hmm. Là, fin, voilà, ils passent à la vitesse supérieure avec un album. Ils jouent la semaine prochaine, en l'occurrence avec B90, Hypnose, Vardkron. Ah oui, oui, le warm-up du GoFest. Ouais. Ouais, au Métaphone à Wally. Donc c'est le samedi. Samedi 17. 17. Ouais. Samedi 17, ouais. Retrouvez toutes les infos sur internet, mais c'est 10 balles la place, ou 12 balles, je crois. Voilà. Eh bien, extrait de leur premier EP auto-intitulé, 4 titres, on va s'écouter le morceau d'ouverture, The Beast. Un grand merci encore à toi de ta présence, et puis je dis à très bientôt. Mec. À très bientôt. Au plaisir. Decaying hopes, howling in the mess. To rock the tide, grab more steps. Those flashing like torches, made of glass. Feel it in the bed, the approaching sun. Where your breath, fetus. Forever remain. Forever remain. We'll be right back. Yes, l'album du mois dans Rock the Nations n'est autre que le troisième et énorme album de Pestilence, paru à l'automne 1991 sur le label Roadrunner Roadracer, produit par Scott Burns, avec bien sûr la pochette de Dan Seagrave. Voilà, les ingrédients sont là pour faire un grand disque de death metal mélodique, bien technique et avec des solos de toute beauté, limite à en pleurer. C'était bien sûr, je crois, le classique de l'album, Twisted Truth, quoique Land of Tears également, qui avait été clippé à l'époque, vaut son pesant de cacahuètes, et on l'écoutera certainement peut-être la semaine prochaine, on verra bien. Enfin voilà, c'était l'album du mois, Testimony of the Ancients. On va terminer l'émission, et oui, je déborde encore, désolé mes amis de RQC, mais j'ai encore un titre à passer, il s'agit de Ignis Fatuus, et extrait de leur deuxième album, Second Offering. On s'écoute le morceau Merciful Soul with a Despairing God. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Rock the Nations avec un focus consacré au label Inferno. Et à cette occasion, eh bien, le label de Fabien Pinto sera représenté durant toute la deuxième heure de Rock the Nations avec des CD à gagner de son label, et je le merci d'avance, un grand merci à toi Fabien pour ton soutien. Je te donne rendez-vous donc la semaine prochaine, et à partir de 16h, ça sera le focus consacré à ton label Inferno Records, et il y aura des CD à gagner de sa part. Bonne semaine à vous, prenez soin de vous. On termine l'émission en beauté avec Ignis Fatuus et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.